Ici Loïc de Protofief. Vous écoutez CISM 89.3, La Marge. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, Jean-François Lusignan avec vous en ce lundi 3 novembre, oui. Vous écoutez l'émission Le Terminus, une émission qui est dédiée au rock indépendant, indie rock, shoegaze, grunge, etc., tout ce qui gravite autour de l'indie rock. Ce soir, qu'est-ce qu'on a à l'émission? Ben, dans environ une quinzaine de minutes, on aura une entrevue avec Femme Accident, formation locale qui sort un album dans cette semaine, même dans deux jours. Il y aura également la musique de Born Nothing, nouvelle musique également de Of Love, nouvelle musique de Two Inch Astronaut, extrait d'un album qui s'en vient très bientôt. On commence tout de suite avec Old Mate, qui est le projet solo de Monsieur Pat Teffler du groupe australien Bitch Perfect. Un premier album qui est sorti au mois de septembre qui s'appelle It Is What It Is et qui fait penser par moment à du beat happening. J'ai choisi une chanson qui justement rappelle cette association, chanson qui s'appelle Requesting Permission de Old Mate. On écoute ça à l'instant sur le Terminus. Bonne écoute. Seven and 71, staying out wishing for everyone. I got an admission, nothing under the sun is getting me wishing. Everyone, and every day I go away, and I wish that I could stay. Yeah. Every now and then I find that I am going. Requesting permission, the mission's begun. I seen a recession, I seen it again. It's been a new lesson, every night I depend on getting lesson, won't get in the pen. And every day I go away, and I wish that I could stay. Yeah. Every now and going out of my your wrist to bleed out slow. Massage your sadness inside your home. Fake it till you're real. You can't recognize yourself in anything. Satan is your master now. Satan is your master now. Satan is your master now. Yourself. Two Inch Astronaut avec Full Brood, la chanson titre d'un album apparaître le 25 novembre sur Exploding in Sound Records, super label de Boston, Brooklyn. Juste avant, c'était le groupe Sadcore de Philadelphie, Pale Friends avec Satan is Your Master. Et bien maintenant, le groupe Femme Accident est arrivé. On va vous faire jouer en fait une chanson de leur album qui s'en vient. Chanson qui s'appelle All in Your Head. Et par la suite, on va parler avec eux. Donc pour l'instant, Femme Accident. Accident, All in Your Head, tiré de leur nouvel album qui sort dans 2 jours. Et Femme Accident sont en studio. Bonjour, Femme Accident. Bonsoir. Hey, salut. Salut. Femme Accident, c'est 3 personnes. C'est Sophie Monpetit. Salut. Sophie, qu'est-ce que tu fais dans le groupe? Ben, je joue de la basse et je chante. Super. Et Benjamin Dehay également. Oui, pour la guitare électrique. Électrique, yes. Et également dans le groupe, Jonathan Guilbeault. Oui, le drum, j'écris des paroles, je joue du keyboard. Tu maracas, maracas aussi, tambourine. Tu fais toutes sortes de choses dans le groupe. Ouais. C'est toi qui fais les autres choses. C'est ça. Super. Femme Accident, donc je le disais, vous sortez un troisième album, un deuxième album et demi, demain, donc fait mardi, c'est ça? Donc le 5. Mercredi. Mercredi, là, c'est assez inhabituel, là, mercredi. Mm-hmm. Oui, c'est notre troisième album. Pourquoi un mercredi? On trouvait ça inhabituel, mais on s'est dit... Pourquoi pas un mercredi? Non, ça sort toujours le mardi. Hein. Je pense que les deux autres avaient sorti un mardi, mais avec les sorties seulement numériques, c'est pas... Il n'y a pas une grande différence entre le mardi et le mercredi. Ouais. Non, c'est ça. Donc, on va retourner en arrière. Donc, 2011, c'est le mini-album, 7 chansons à peu près, je pense. Charms, qui sortait. Après ça, 2013, Shiver, qui sortait l'album complet. Là, on est en 2014. Donc, un peu plus qu'un an depuis la sortie du dernier album. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie de Shiver? En fait, quand Shiver est sorti, on avait déjà commencé à enregistrer l'album... pas enregistré, à composer l'album d'avant. À chaque fois que l'album sort, on a déjà plusieurs chansons de composer du prochain, parce que le temps qu'on fasse la pochette, qu'on décide comment on sorte, qu'on fasse presser soit des vinyles, cassettes ou autres, on a déjà avancé pas mal le processus du prochain album. OK. Et comment ça s'est passé, justement? Donc, certaines chansons étaient déjà prêtes. Comment ça s'est passé? L'enregistrement, peut-être, de l'album, si vous voulez en parler. Avec qui vous avez travaillé? Bon, on a enregistré avec Dave au studio XO. David Constater. David Constater. On le salue. C'est ça, en mars dernier. Puis, c'est ça, on était en studio à peu près pendant une semaine vraiment intensivement. Puis après ça, j'ai fait ma voix. Puis on a fait des arrangements par la suite, dans le fond, une soirée, une fois de temps en temps, pour vraiment... apprendre, laisser reposer tout ça, puis avoir un regard un peu plus neuf sur l'enregistrement qu'on venait de faire en une semaine. Mm-hmm. C'était notre premier enregistrement en studio. D'habitude, on avait enregistré avec Yannick Sarrazin à notre local de musique. Ça s'était super bien passé aussi, mais c'était le fun de prendre un petit instant juste de s'enfermer pour 3 jours, juste nous, pas aucune... Rien pour nous déranger, pas de groupe métal à 200 000 décibels à côté. Il y avait juste nous. Un vrai studio. Ouais. C'est ça, les instruments installés. On avait tout installé, les amplis, le drum, c'était tellement le fun. Puis Dave, la personne qui nous a enregistré, le gars le plus sweet du monde, super relax. Fait que c'était vraiment un processus facile. Et on a entendu dans la chanson qu'on entendait avant de se parler, là, All in Your Head, il y avait du sax dans la chanson-là. Mm-hmm. Est-ce que vous avez fait appel à des musiciens, des amis? Ben justement, c'est Dave, il joue multi-instrumentiste, il joue de tout. Là. Fait que c'est ça, on lui a dit de jammer sur cette tune-là, puis il a essayé de quoi, puis on a vraiment aimé ça. Et on avait déjà joué aussi sur un autre album, puis on avait vraiment aimé la petite touche que ça rajoutait. Tout à fait. On a fait appel à Dave. Joue du sax, un peu de synthé aussi. Je pense qu'il joue tous les instruments du monde. même avec la tambourine, tu sais, on avait comme 4-5 tambourines différentes, puis là, pour chaque tune, on essayait, tu sais, chaque tune. Puis là, il y en avait qui sonnaient mieux que d'autres. Même les maracas aussi. C'est un gars à avoir là, son entourage. On le recommande à tout le monde. C'est un homme orchestre. Ouais. Cet album-là, est-ce que quand vous avez commencé à travailler dessus, vous aviez des objectifs, vous vouliez faire quelque chose de différent que l'album Shiver? Ou qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez commencé? Je sais qu'on a parlé plus de l'album avant de l'enregistrer. On avait des objectifs super précis de son, mais pas je dirais pas un objectif général pour l'album. Plus, on a vraiment écouté beaucoup de tunes références. On savait exactement l'écho du drum, comment on voulait qu'il sonne. On essayait plus de guitares. Sur le premier album, on y allait avec un son de drum. Okay. On variait pas beaucoup la guitare, j'en avais juste une. Tandis qu'au studio, comme Joe a dit, on avait amené comme 10 tambourines, 3 synthés. On avait 5 guitares. C'est ça, on a fait beaucoup de tests dans le fond. Puis... Mm-hmm. Le fait d'avoir un studio à votre disposition aussi, ça a été justement peut-être l'élément différent, c'est ça? Ah oui. Vraiment. La préparation, OK. Vous me disiez, donc l'album sort mercredi de façon numérique, si je comprends bien, seulement numérique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent par rapport à ça, autrement que numérique? Oui, mais là, on va sortir en cassette, là. Le 21 novembre. Oui, 21 novembre, ça va bien. OK, donc on va en parler tout à l'heure du lancement. Donc, on dit, donc cassette qui s'en vient tout à l'heure, plus tard, en fait, le 21 novembre. Le numérique, lui, il sort sous le label Sainte-Cécile, qui est le label, donc, qu'on pourrait dire, numérique de Bansound. Pas Bansound, mais plutôt d'Air to Care, là, qui est leur cousin. C'est ça, grosse boîte d'Air to Care. C'est leur label numérique pour se permettre de sortir des groupes un peu plus indépendants. Je pense que c'est pour un peu plus le choix des employés, si on veut. Puis pour vous, les dernières fois, ça avait été sorti complètement de façon indépendante, sur Bandcamp, entre autres, vous avez vendu des vinyles. Et là, qu'est-ce qui vous a incité à faire appel à Sainte-Cécile? La visibilité, peut-être, en premier? Visibilité en premier. Ça, qu'est-ce qui vous apporte, toi? Je pense que c'est une bonne équipe. On connaissait déjà Jeanne Joly, qui a fait la pochette de notre album, et puis aussi qui nous a tous présentés un à l'autre. C'est-à-dire, moi et Jonathan, on jouait déjà tout seul avant le groupe, et puis celle qui nous a présenté, Sophie. Moi, je ne connaissais pas avant, puis Jeanne nous a présenté. Ah, belle histoire. On connaît Jeanne depuis longtemps, puis on connaît le label depuis longtemps. Quand j'étais à Drummondville, il y avait beaucoup de shows bookés de Dare to Care qui venaient... Plus des groupes qui déménageaient pas mal, j'imagine. C'est ça, un peu plus début, Sainte-Catherine, Saint-Clamart, tous ces trucs-là. C'est ça. Tu parlais, Benjamin, avec la pochette de l'album. Pour l'instant, donc, c'est seulement en format numérique. Mais avec qui vous avez travaillé pour cette pochette-là qu'on peut voir sur les sites, justement, comme... La pochette, justement, c'est Jeanne Jolie qui l'a fait. C'est elle, justement. OK, c'est ça. C'est resté dans leur boîte. Dans leur boîte, OK. Oui, mais on est super heureux du résultat. Puis, jusqu'à maintenant, on a tout le temps eu des super beaux visuels qu'on trouve vraiment inspirants puis qui rejoignent bien l'idée générale de l'album. Ça, c'est difficile à décrire comment est l'album pour nous, mais une fois qu'on est avec le visuel, le titre, puis qu'on réussit à le canner, je pense que ça ressemble bien... qu'est-ce qu'on voulait à la fin. OK. Vous avez amené une chanson avec vous. Je vous ai demandé peut-être d'amener une chanson que vous écoutez en ce moment ou que vous aimez, vous avez écouté pendant l'enregistrement peut-être de l'album ou la création de l'album. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson? Vas-y, donc, Jonathan. C'est Black Tambourine. C'est Too Edgy of the Bridge. OK. C'est quand même pas jeune comme chanson, là. 1992. Ouais, c'est une vieille tune, mais c'est ça. Même avant ça, un petit peu, je pense. Ouais, mais on se dit, dans le fond, que c'est une tune que les trois, on écoute encore depuis longtemps, puis que depuis le début du band. Qu'on écoutait beaucoup au début de l'album, Black Tambourine. Qu'est-ce qu'on écoutait au début? Ben, c'est une grosse influence. Là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on écoutait au début? Ouais, je pense qu'on écoutait beaucoup ça, le premier album de Dum Dum Girls. C'est un truc qui nous a influencé. Okay. Toi, tu sais, les trucs twee pop un petit peu, là, ce genre-là. Qui ressemble pas tant à notre résultat final, mais au niveau de chaque instrument individuel qui nous influence beaucoup. Puis le nom de la chanson, c'est Throw Aggie Off the Bridge. C'est exactement. Ça. Donc, on va écouter ça à l'instant. Vous êtes toujours sur les ondes de CISM. L'émission Le Terminus, Femme Accident, va être de retour tout de suite après cette chanson. We'll be right back. C'était le choix du groupe Femme Accident qui est en entrevue avec nous encore. Et la chanson qu'on vient d'entendre, c'est Black Tambourine avec la chanson Throw Eggy of the Bridge. Chanson qui sortait au début des années 90 et que le groupe aime particulièrement, qu'aime beaucoup. Très bon ça. Très très bon, ouais, oui. C'est oui, bon, on va en faire passer, c'est sûr, peut-être d'ici la fin de la saison. Femme Accident, donc on le disait, album qui sort mercredi. Lancement le 21. On peut en parler peut-être maintenant. Le 21, c'est la brasserie Beaubien. Mm-hmm. Oui. C'est ça, donc salle qui est sur la rue Beaubien. Exactement. Pas loin de Saint-Laurent, dans la petite Italie, c'est ça. Oui. Et il y a deux groupes qui vont faire votre, on peut dire ça, votre première partie. Oui, qui sont-ils? Le groupe, justement, Ox, avec Dave, qui nous a enregistrés au studio XO. Ah, OK. Il joue dans ce band-là, donc on lui a demandé de faire une petite apparition à notre show, puis... Mm-hmm. Vu que c'est le lancement, c'est cool. Ouais, on joue avec ça. Quelqu'un qui nous a aidés aussi. Mm-hmm. Puis avec Longship aussi, on a déjà joué une couple de fois avec eux, puis on les aime beaucoup. Puis c'est aussi un trio avec une fille qui joue la bass. Ils sont bien fun, on s'entend bon. Bien avec eux. Puis ça va être le fun. La musique fit bien aussi. Ça va être super. Mm-hmm. La brasserie Beaubien, mm-hmm. c'est le fun. C'est un peu inhabituel comme place. C'est pas vraiment mm-hmm. brasserie taverne, mais c'est sûr qu'on avait le goût de jouer une place différente un peu pour le lancement. Ouais. Pas mm-hmm. jouer à une des salles qu'on joue... Si souvent. Mmh. Avez-vous déjà joué justement à cette brasserie-là? Vous avez vu des shows là? En fait, je pense qu'on n'a pas fait de show depuis longtemps, mais je pense que le dernier show était là. Ouais, on a joué. Fait que c'est deux fois de suite ouais, pour nous. Longtemps. Mais on a adoré ça. Puis il n'y a pas gros des places à Montréal qui servent des grosses bières, des grosses Laurentides, des grosses Tremblay. Ah, déjà, c'est un bel attrait pour y aller. Donc, tu dis, Benjamin, vous n'avez pas joué de spectacle, faites de spectacle depuis un petit bout de temps. Mais c'est un groupe en général qui, à ce que je crois voir, ne fait pas des grandes tournées non plus. C'est quand même. Plutôt ouais, on est quand même relax, casanier. On est quand même relax, mais c'est peut-être pas par choix. Mm-hmm. Mais on aimerait ça éventuellement faire plus. Donc là, ce serait le moment, ça vous tente de faire des spectacles? Ah oui, là, on veut jouer au maximum, on est prêt. On est resté dans notre les offres. J'ai le goût de tourner cet album-là, oui, OK. On est resté dans le local longtemps pour composer. On a vraiment pris plus notre temps. On a pris plus de temps pour penser aux pièces, plus de temps pour les terminer. Je me rappelle qu'on était supposé enregistrer en novembre passé. Novembre 2013, puis finalement, on avait remis ça à février 2014. Ça fait vraiment longtemps qu'on est dans le processus. La plupart des tunes, ça doit faire quasiment deux ans qu'on les a composées. Mm-hmm. Ah, fait que sont remis aussi, sont vous avez oui, on les a joués en masse. Pas mal de jouer, je pense. Cassé en masse. Est-ce qu'il y a des nouvelles chansons même que vous avez déjà... Ben, à chaque fois qu'on pratique, on aime vraiment ça composer... dans le... C'est ça, on the spot, là, dans la pratique. Donc, on enregistre tout le temps des petits bouts, des... composition à chaque fois qu'on jamme dans le fond. Moi, je pense qu'on est rendu même déjà à 6. Oui, ouais, environ 5 ou 6. Oui, c'est diversifié. OK, donc on annonce ce soir, il va y avoir un EP qui sort en décembre, c'est ça? Ben, moi, j'aimerais ça. 2015. Décembre 2015. Mais oui, bon, on compose toujours beaucoup plus que ce qu'on a besoin. La dernière fois, on avait composé à peu, je pense, 45 tracks pour cet album-ci. Finalement, on a retranché à 11. La dernière fois, celui d'avant, on avait 9 pièces. On en avait... composer une trentaine. Ouais. Fait que c'est ce qui est le fun à la fin. C'est le choix. Dépendant du moment où on est rendu avec le groupe, on décide que telle tune, ça nous représente plus selon le son qu'on veut essayer à ce moment-là. OK. Puis les nouvelles chansons, là, est-ce qu'il y a des nouvelles affaires que vous essayez? Des sonorités ou c'est pas mal? Ben, c'est parce qu'on dirait qu'à chaque pratique, ça change de son un peu. Mais ça reste dans le même style. Mais on essaie de tout enregistrer chaque pièce éventuelle différemment, c'est-à-dire on n'essaie pas de composer l'album avec un son qui dure tout l'album. C'est ça, on veut que chaque pièce soit différente. Oui. C'est pour ça que sur l'album, il y a des pièces qui sont ultra distorsionnées. Ouais. Il y en a qui sont super... plus pop aussi. Très pop, super sweet. Avec, c'est le fun, Donc, on 21 novembre, spectacle lancement. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles pour l'instant qu'on peut annoncer ou... J'aimerais dire oui. Ça se travaille. Appeler. On donne le numéro de téléphone. Appeler pendant la pause si vous voulez booker un spectacle. Sinon, il y a votre album qui est encore en écoute, si je comprends bien, sur le site de Voir. C'est oui. Ça, jusqu'au lancement. Jusqu'à mercredi ou demain. Je suis pas sûr. OK. Puis il y a un format cassette aussi, donc, qui serait disponible. Au lancement. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part ça qui s'en vient avec vous? C'est pas mal ça. Un vidéoclip. Oui, OK. Justement, ouais, ben c'est session chalet. On s'en connaît pas sûr comment définir. Non, ben c'est pas un clip, c'est session chalet. Ben c'est un clip. Mais... C'est c'est une session acoustique d'une chanson sur tournée. Le prochain album. Ça s'est passé une fois au chalet. Une fois au chalet. Vous avez tourné ça. On a joué juste une fois. C'est quelle chanson qui était tournée au chalet? La prochaine. Ah oui, qu'on va entendre bientôt. Ah non, c'est pas celle. C'est Read My Lips. Ah oui, c'est Read My Lips. Je pense que tu vas mettre Into My Mind, ça. Oh boy, on pourrait le changer si vous voulez. Mais non, c'est bon. Non, on change pas. Donc, il va sortir quand ce clip-là? Emmanuel, il écoute. Ça va dépendre de la personne qui monte. Le clip est en montage. Exactement. Okay. Mais bientôt, le plus vite possible. Donc, c'est une version acoustique de la chanson. C'est ça. Qui est un petit peu inhabituel tout de suite après la sortie de l'album, mais on n'avait rien prévu comme vidéoclip. Peut-être un petit peu plus tard. Ça va être une version un peu alternative de la chanson qui se retrouve sur l'album. Au chalet, il y a de la pluie, des arbres, il y a un lac. Il y a même de la fumée. C'est très bucolique. C'est tourné à quel endroit? À Offord. Donc, on va attendre ça tant que c'est Manuel, c'est ça? Quand Manuel va avoir terminé le montage, on va pouvoir avoir ça, ce vidéoclip-là. T'as de la pression, Emmanuel. En attendant, il y a votre spectacle, on le disait, on l'a répété, 21 novembre, Brasserie Beaubien. Nouvel album Homme qui sort donc mercredi. Mm-hmm. C'est ça. On va écouter une chanson pour se quitter. Je vous remercie beaucoup, Femme Accident, d'être passé à l'émission. Merci de l'invitation dans votre studio jaune. Oui, c'est bien le fun. Il y a d'autres couleurs aussi. Il y a le rouge et le blanc. Ouais. Donc, on va se quitter avec la chanson. C'est quoi donc? Peux-tu le dire, Sophie? Into My Mind. C'est ça. Oui, donc, de Femme Accident. On se quitte là-dessus. On se reparle tout de suite après. Into My Mind, Femme Accident, de l'album Homme, qui va sortir cette semaine. On vient d'en parler abondamment. Ils étaient en entrevue il y a quelques minutes. Vous allez pouvoir la réécouter si vous voulez en vous rendant sur le CISM893.ca à la fin de l'émission. On poursuit avec Born Nothing, le projet de Fergus Miller, donc son projet solo. Son deuxième album, il sortait le 24 octobre dernier. Et Monsieur Miller ressemble par moments à Elliott Smith. On va entendre la chanson Ice Cream Dreams, sur laquelle vous allez pouvoir le constater. Ce sera suivi de La vie tranquille de l'indice. We'll be right back. trio français Décibel avec Il pleut des noix de coco. Et selon leur page Facebook, source vraiment estimable, fiable d'informations, le groupe serait en train de travailler sur un nouvel album qui nous serait présenté, semblerait, au début de 2015. Et avant Décibel, c'était l'indice La vie tranquille. Et on avait débuté ce segment avec Born Nothing Ice Cream Dreams, tiré de son nouvel album Some Songs qui vient de paraître. On poursuit maintenant avec la musique de Of Love, qui ont une chanson sur un split à quatre groupes, donc un 7 pouces qui comprend des chansons des formations Krill, Lil Up, Of Love, Radiator Hospital. Ça vient de sortir sur Exploding in Sound Records, donc un label dont on parlait tout à l'heure. La chanson s'appelle Homo Shell. Ça sera suivi de la formation Dirty Dishes. Donc on y va à l'instant avec Of Love. Vous écoutez encore jusqu'à 20h. En fait, c'est que sur la console, on oublie de changer l'heure, donc je suis mélangé à l'instant. On écoute Of Love, vous écoutez Le Terminus jusqu'à 20h sur les ondes de CISM. Still your garden grows. Thank You, Come Again, The Dirty Dishes, un duo formé de Jenny Tweet et Alex Molini. Ils sortent un album le 27 janvier prochain. C'est disponible sur... cet extrait sur le dirtydishes.bandcamp.com. Et juste avant, c'était Of Love avec Omu Shell. Oui, c'est ça. Restez à l'écoute dans quelques instants. Roman Blouin sera avec vous pour l'émission Nous sommes les rockeurs. Si vous voulez retrouver la liste des chansons que je joue ce soir ou écouter, réécouter l'entrevue avec Femme Accident, ça se retrouvera dans quelques minutes sur le CISM893.ca. Sinon, il y a les archives de l'émission sur leterminus.ca. C'est là que ça se retrouve. On va se quitter avec la musique de Cold Formers, une formation qui se dit influencée par la musique des années 90. On n'a pas de doute là-dessus. Vous allez voir, ça sonne pas mal comme du shoegaze. Leur premier album, All Cold Everything, a été réalisé par Alex J., qui a lui aussi sorti un super album cette année. Je pense que c'était vers la fin de l'été, de cet été, justement. Donc, on écoute la chanson Rebecca de Cold Formers. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve lundi prochain, 19h, oui, pour une autre édition du Terminus. Ciao! Et le jeune et le moins jeune, tu es au courant qu'il existe un nouvel antidépresseur sans frais? Ou que tu en as besoin, mais tu te demandes, quel est-il? C'est facile pourtant, car il t'est offert gratuitement tous les vendredis matins de 7h à 9h. C'est la magie de MCG! Yes! Du plaisir, de la joie et surtout de la bonne musique du terroir d'ici et d'ailleurs. Prescription et rendez-vous, vendredi 7h. En tout cas, moi et Normal Amour, on va être là. Soyez-y! Pour oublier le passé et le futur, allonge-toi dans la fourrure. Écoute Dextro, Propogi, Finsmack, le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille. Qu'est-ce qui est frais et rafraîchissant musicalement en ce moment? Pour le savoir, syntonise CISM 89,3 FM les dimanches à 18h pour le char de marge ou bien du lundi au vendredi, toujours à 18h pour l'émission Palmarès afin de découvrir les chansons les plus appréciées de nos animateurs.